Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 44. De chaque genre de miracle en particulier. Convenance des miracles opérés sur les substances spirituelles, sur les corps célestes, sur les hommes, sur les créatures privées de raison. 1. Les miracles opérés par le Christ sur les substances spirituelles sont-ils convenables? Il était écrit, « Je chasserai de la terre l'esprit impur. » Zacharie 13, 2. Notre Seigneur, dont les miracles prouvaient la vérité de sa doctrine, devait, par sa vertu divine, soustraire aux démons, les hommes qui croiraient en lui, il l'avait annoncé, en disant, « Maintenant le prince du monde va être mis dehors. » Jean 12, 31. Pour cela même, il a été convenable que, parmi ces miracles, il y en eut qui servissent à délivrer les hommes de la puissance des malins esprits. Note. Les seuls miracles qu'il lui convenait d'opérer à l'égard des bons anges, c'était de les rendre parfois visibles, par exemple, à sa naissance, à sa résurrection et à son ascension. Fin de la note. 2. Convenait-il que le Christ fît des miracles sur les corps célestes? Les ténèbres, dit saint Luc, 23, 44, couvrirent toute la terre jusqu'à la neuvième heure, et le soleil fut obscurci. Les miracles de notre Seigneur devaient prouver avec évidence sa divinité. Or les transformations des corps inférieurs, qui sont soumis à l'action de plusieurs causes, ne la démontre pas aussi clairement que celle des corps célestes, dont le cours est invariablement réglé par Dieu seul. C'est ce qu'écrivait saint Denis à saint Polycarpe, « Sachons, disait-il, qu'on ne peut produire aucun changement dans l'ordre et le mouvement des cieux qu'à l'aide de la cause qui meut tout, qui a tout créé, et qui peut tout changer par une seule parole. Il convenait, conséquemment, que le Christ opéra des miracles jusque dans les corps célestes. Note. Sa divinité devait principalement éclater par des miracles, au moment où l'infirmité humaine était plus visible en lui, aussi vit-on, à sa naissance, une étoile nouvelle apparaître dans les cieux, et, à sa passion, les deux grands flambeaux du monde refusaient leur lumière. Fin de la note. 3. Est-ce avec convenance que le Christ a fait des miracles sur les hommes? Il a bien fait toutes choses, il a fait entendre les sourds et parler les muets. Marc 7, 37. Le dessein du Christ, en venant sur la terre, était de procurer le salut des hommes, ainsi que le Marc 7 parole. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Les guérisons opérées sur certains hommes, en particulier, montraient qu'il était le sauveur spirituel de tous les autres. Évidemment donc, c'était avec convenance qu'il faisait des miracles sur les hommes. Note. L'illumination intérieure et la justification de l'âme ne rentrent pas, à proprement parler, dans les miracles visibles, car les hommes ne sont justifiés que tant qu'ils le veulent. Néanmoins, elles sont encore une preuve de la doctrine et de la vertu du Christ, dans le sens de cette parole, Dieu appuyait leur témoignage par des prodiges et par les grâces de l'Esprit Saint. Hébreux 2, 4. On peut ajouter que notre Seigneur a fait des miracles visibles sur les âmes des hommes, en modifiant surtout leur puissance inférieure, sa figure, où reluisait l'éclat de la majesté divine, attirait parfois, au premier aspect, ceux qui le voyaient. Les vendeurs, chassés du temple, et les juifs, renversés au jardin des Oliviers, sont une preuve que des traits de feu et de lumière, quand il le voulait, s'échappaient de son front, pour attirer les hommes ou les frapper de terreur. Fin de la note. 4. Était-il convenable que le Christ fît des miracles sur les créatures irraisonnables? Tous les êtres créés étant essentiellement soumis à la vertu divine, il convenait que le Christ fît des miracles sur les créatures privées de raison aussi bien que sur les hommes. Note. Il en a fait sur les poissons, on le voit par la pêche extraordinaire que rapporte Saint Luc. Luc 5. Il en a fait sur les arbres, un figuier fut frappé de mort. Il en a fait sur l'eau et sur l'air, il commanda au vent et calma une tempête. Il n'était pas venu pour bouleverser les éléments, et cependant, à sa mort, le voile du temple se déchira, les tombeaux s'ouvrirent, la terre trembla, et les rochers se fendirent. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.